cœur et la raison. Avec le cœur et la raison. Avec le cœur, mais aussi avec la raison. Je peux pas laisser terminer ce morceau sans préciser que ce texte ne prend pas à partie une communauté, mais vise la politique d'un état et le silence complice du monde dit libre. Je suis conscient que dans chaque camp, je dis bien dans chaque camp, il y a des gens qui se battent pour que les choses changent, qui se battent pour la paix et la justice. Je ne peux que saluer leur courage et leur sincérité. Je déplore la mort des innocents de part et d'autre. Qui peut se réjouir de voir mourir des enfants, eux qui n'ont pas choisi les héritiers d'un monde que les adultes leur lèguent. J'écris ce texte, manifeste de mon soutien actif, mais pacifique aux Palestiniens. Pas uniquement parce qu'il y a parmi eux des musulmans, car contrairement aux idées reçues et ancrées dans l'inconscient collectif, les Arabes palestiniens ne sont pas tous musulmans. Je les soutiens parce que j'estime, avec le cœur et la raison, qu'ils subissent une injustice et qu'il est important pour eux que le monde sache, en attendant que le monde bouge. Il ne s'agit pas d'importer le conflit en France de manière stupide et violente, en s'attaquant injustement aux personnes, à leurs biens et en dégradant des cimetières. Ce sont là des choses que je ne cautionne pas et que je condamne clairement. J'espère toujours voir la paix dans la justice se lever à l'horizon. Et j'écris avec le cœur et la raison. Wa ana wa hibbuku.